بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجن أب أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته. Donc on a pu voir الدرس العاشر، le 10e cours. Donc on a pu voir, dans ce darsh-là, qu'il y avait beaucoup de choses à voir. On a pu voir qu'il tourne autour de beaucoup de la possession. Lorsque tu veux exprimer une possession, on a pu voir, Yanni, lorsque tu veux exprimer la possession, Yanni, pour des choses qui sont, Yanni, c'est pas le pluriel, mais singulier. Si tu veux dire mon stylo ou son stylo, ton stylo, et l'akhiri, on a vu qu'il fallait utiliser certains pronoms personnels. C'est quoi ces pronoms personnels-là? Comme on a pu le voir, si jamais tu veux exprimer la possession pour une chose, avec une chose, allez. Il s'appelle Al-Muttasil. Damir Al-Muttasila. Les pronoms, il y en a qui sont. Ils appellent ça pronom personnel, les pronoms qu'ils vont utiliser pour la possession. Parce que lorsque le pronom, Damir Al-Muttasil, rentre dans un nom, c'est pour exprimer quoi la possession, t'as même Qalami, t'as même Kitabi, Bartlofi comme un Kamisi, lorsque c'est Damir Muttasil rentre dans un nom, c'est pour exprimer la possession. Et comme on avait pu le voir, Ad-Damir, Ad-Damair, ça fait partie des choses qui sont définies. Qui sont définies. Et, maintenant, si jamais je veux dire, j'ai exprimé une chose pour moi. Je veux dire mon stylo, comment je dirais Qalami, Bilia. Je veux dire ton stylo. Je parle à un homme. Qalamu. Qalamuka. Parce que là-bas, c'est Qalamun. Toi, tu as rajouté le kaf. Et comme on a dit, il y a quoi? Une annexion. Donc, s'il y a une annexion, c'est-à-dire que le mondaf, il prend pas de tanwin. Qalamun, tu vas rajouter le kaf. Entre deux, il y a une annexion. Tu enlèves un tanwin. Qalamuka. Pour une femme, si jamais tu fais le discours avec une femme, Qalamuki. Pour quelqu'un qui est présent, kaf al-khitab. Maintenant, tu veux dire son stylo. Qalamuhu. Et pour la femme, tu diras, si tu veux dire ça, c'est son stylo à la femme. Qalamuha. Qalamuha. Donc à chaque fois, c'est ça. Le même pronom, il y en a pour la chose après que tu veux. Tu utiliseras à chaque fois ces choses-là. On a pu voir Kadalka qui pouvait entrer dans les huruf. Ah, j'en reste. Il peut rentrer aussi dans les huruf. Mathalan, tu veux dire. Minhum. Minhum. Tu veux dire, Mathalan, Yanni. Est-ce que tu as un frère? Alaka Ahun. Alaka. Il rentre dans les huruf. La. La. Le lam ici. Lam tamlik. Alaka Ahun. Kadalika, on avait dit. Bouinda, ça rentre dedans. Kadalika, les huruf. Il y en a plusieurs. On va les voir. Marato Bika, je suis passé à côté de toi. Wakathir. Barakallahu fika. Ça rentre dans les huruf et ça rentre, Kadalika, dans les asma. Et on a pu voir aussi qu'il y a certains noms, que lorsque tu vas vouloir exprimer cette possession-là avec les Damir Muttasila, ils vont avoir un changement. Ce ne sera pas comme les autres noms. Al-Asma Sitta. Al-Asma Sitta, comme on a pu le voir, c'est nous on en avait deux qui étaient quoi? Al-Akh wa Al-Ab. Ces deux noms-là, lorsque tu veux rentrer Damir Muttasil, Fihi, il y a un hukm qui va changer. Si jamais ce mot-là il est marfou, si le mot est marfou, tu peux par exemple tu dire alaka akhun, il va dire naham, indi akhun. Ou tu dis man hadha, il dit hadha akhuka. Il ne savait pas man hadha, finalement c'est mon frère. Hadha akhuka. On a rajouté une waw. On a rajouté une waw. Et comme on a pu le voir, cette waw-là a remplacé la damma. On remplace la damma pour montrer que le mot il est marfou. On a dit un mot marfou, il peut être marfou bi damma, il peut être marfou, yani bi dammatayn, il peut être marfou par le waw, comme c'est le cas des asma sitta, ils sont marfou bi waw. Comme on a vu, yani, parce que au niveau de la déclinaison, lorsque tu as rentré ça, yani, lorsque tu veux dire là c'était avec Akhi, tu veux parler. Avec Akhi. Après, on a pu voir Kazalika, on a pu voir yani, auparavant que les mots dans l'arabe ils se divisent en deux. Tu as des mots qui sont arabes et tu as des mots qui sont mabni. Le mabni, sahel. Le mabni, il ne bouge pas. Jamais. Ni sous-entendu, ni rien du tout. Il est comme il est, da'iman. Ou le mu'arab, il est comme il est. Le mu'arab. Taqdiri, ou l'autre qui est l'avdi. L'avdi, ou l'avdi, d'apparence, tu peux prononcer la harakat et tu la vois. Ou le ma'anawi, oh non, je veux dire le taqdiri. C'est celui-là qui, on ne peut ni prononcer la haraka et ni aller apparente. Elle est sous-entendue, tamam. Comme on a pu voir avec Mustashfa. Tamam, Mustashfa, si tu regardes sur n'importe quel amil, jamais ça change. Tamam, fil Mustashfa, indal Mustashfa, tamam, bil Mustashfa, daiman Mustashfa, fa, et la khiri. On avait dit, le sabab qui fait dalika, c'est al-effet maqsoura. Tamam, elle a comme particularité de ne pas faire changer la terminaison du mot. Tamam. Mais c'est pas pour autant qu'il est mabni, mais il est sous-entendu. L'arabe, il est sous-entendu. Pourquoi? Comment tu reconnais? Simple. Dès que tu vois alif maqsoura, il est ta'adhur. C'est impossible. Lorsque l'alif maqsoura est collé à un mot, que la harakat soit voyante et qu'elle soit prononcée. On a pu voir aussi la deuxième, parce qu'il y en a trois, on les verra, inshallah. La deuxième qu'on a pu le voir, lorsque l'arabe, il y en a aussi kadalika, il est taqdiri. Lorsque tu vas trouver quoi? Le yal mutakallim. Mutakallim, yal mutakallim, il a dakhala ala l'ism, tamam. Tu vas pas pouvoir voir kazalika la harakat. Maintenant, c'est les marfou. Tu vas dire, hada akhi. Al-an, akhi, le khabar. Tamam. Hada, la chose que tu démontres, tu dis, c'est mon frère. L'information tourne de quoi? De ce que tu as démontré. Et l'information, c'est quoi le khabar? C'est akhi. Donc, akhi, c'est un khabar. Et le khabar, il est toujours marfou. Tamam. La personne va te demander, elle va dire, il est marfou. Lakin, c'est quoi le signe qui prouve qu'il est marfou? Là, c'est quoi? On va dire, c'est la damma qui est sous-entendue. Tamam? Parce que la question, elle a pris sa place, et elle est plus, comment ça s'appelle, elle convient plus d'être là que la damma. Parce que, il prolonge une kasra, plutôt le imam. Le gars prolonge une kasra, il ne peut pas prolonger une damma. Tamam? Comme on a pu le voir, huruf al-mudud, salata. Tamam? Un, il va faire le maître de ça, c'est quoi? C'est le waw. L'autre, il va faire le maître du, barfloufikum, c'est la damma plutôt. L'autre, il va faire le maître de la kasra, tamam, c'est quoi? C'est l'ia. L'autre va faire le med de la fatha, c'est quoi? C'est l'alif. Donc ces choses-là, lorsqu'elles viennent prolonger, elle ne peut pas prolonger, le ya peut prolonger la damma. Le ya ne peut pas prolonger la fatha, abadan. Le aks kazalika. Chacun, il prolonge la harakat qui est munasib. Donc là, c'est la même chose. Comme on a dit, le ya, s'il vient et que c'est un med, il ne peut que prolonger une kasra. Donc c'est ce qu'on a pu voir et on avait oublié kazalika parce qu'il avait de la conjugué vite fait. Tamam. Il avait dit dhahabtu et tout ça. Inch'Allah on va continuer la conjugaison. En fait là on tire tous les points qu'il y avait dans le texte. Dans le texte, c'était pas la semaine dernière. En fait il y a de la conjugaison. C'était là? Non, en fait là on va continuer le cours inch'Allah et il va être sur la conjugaison du verbe ma'adhi. On a pu voir la seule chose que vous connaissez dans la conjugaison, c'est quoi? Huwa, zahaba. C'est ça que vous connaissez. Zahaba, huwa. Là, inch'Allah, on va voir une autre chose. Et comment tu dis? Je suis parti. Ou, naam. Il est parti. Elle est partie. Non, je ne sais pas si elle est partie. Elle était. C'est clair et net, c'est bon, c'est mieux. Inch'Allah, on va faire le singulier. On va faire le singulier et le pluriel, il est à venir, inch'Allah. Le singulier avec al-ma'adhi. تصريف الماضي تصريف يعني la conjugaison du verbe passé. La conjugaison du verbe passé. On va voir comment on dit juste avec le singulier. terme lorsque tu vas vouloir conjuguer un verbe mardi thulathi. Là, si jamais tu le mets avant, c'est plus une phrase nominale. Mais si je dis ana dhahabtu, c'est ce que tu veux dire. مثلا جي انا ذهبت في الاعراب انا ذهبت انا ذهبت في الاعراب انا مبتدا ذهبت خبر خبر متكون بالاسم ذهب بالفعل ذهب وتا تمام باسكو en français dans en français tu fais précéder le pronom personnel je suis parti tamam Ou j'étais parti plutôt, là, c'est plutôt. Zahabtou, j'étais parti. Tam, tu dis j'étais parti, tu fais précéder le pronom. Ahmed dans l'arabe, yu'akhar. Ce qu'on va le voir, Inch'Allah. Là, zahabtou, là c'est pour le fait al-madi, al-sahih al-akhir. Je crois qu'il appelle comme ça. Celui qui est normal. Parce qu'on va voir, tu as des verbes madi, on ne peut dire qu'ils ne sont pas normales, mais qui sont. Il y en a qui s'appellent mudha'af, qui ont une shadda. Il y en a qui sont mu'tal, qui ont une lettre malade, comme ils disent. Tamam? Là, c'est celui qui est saint. Tamam? C'est celui qui est à la base. Tamam? Parce que tu vas voir, مثلاً, tu as des fi'al, مثلاً, marra. Excellent. Tu as un fi'al, da'a. Tu as le fi'al, nasiya. Tamam? Tu as le fi'al, مثلاً, qala. Tu as quoi comme fi'al? Tous ces verbes-là, ce sont des fi'al mandari', mardi, je veux dire. Et. Ils ont une spécialité. Ça c'est mudha'af. Pourquoi? Parce qu'il a une shadda. Ça c'est mu'tal. Pourquoi? Parce qu'il a un être malade, comme on va voir. Lui aussi il est mu'tal. L'akhir bilia. Et l'akhir. Celui-là, quand il est comme ça, il est normal. Yani, ala wazn, fa'ala. Fa'ala. Ça c'est un verbe quoi? Sahih. C'est-à-dire qu'il est saint. Il n'y a pas de verbe da'if. C'est qu'il est saint. Il n'y a pas de défaut, comme on va le voir ici. C'est pas un défaut, mais ils appellent ça mu'tal. Ala kulli hal. Donc, nous, quand on parle de la conjugaison, là, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'afin que vous, là, vous vous limitez à la conjugaison des verbes qui sont comme ça. Yani, dans le même yani, genre que celui-là, qui est sous la, comme on appelle un wazn, qui s'appelle ça, fa'ala. Lorsque tu dis, مثلا, zahaba, tu dis, il est sur quel wazn? C'est-à-dire, il est sur quel moule, on va dire ça comme ça? Tu vas dire dans le moule, fa'ala. Zahaba, fa'ala. Tamam? Donc, nous. ضرب تمام مثلا كسر ايوا خرج 3 حرف et donc il y a pas de harf illa il y a pas une lettre malade lettre malade on va les voir c'est le alif le waw et le ya voilà تمام donc là comment ça va se passer lorsque tu veux conjuguer bil madi تمام lorsque tu vas ramener pour yani pour parler yani toi yani anta yani ana plutôt Anta wa anti, par rapport au singulier. Hein. Parce que nous, il y a quoi? Il y a singulier, il y a duel, il y a pluriel. Lorsque je dis singulier, c'est pas l'opposé du pluriel. Non, c'est l'opposé de quoi? Du duel du pluriel. Parce qu'on va le voir, il y a le duel aussi qui va rentrer dedans. Mais nous, on parle du singulier là. Le duel. Muthanna. Fi muqabil. Lorsque tu dis singulier, lorsque je parle du singulier, je dis en gros, je suis pas en train de parler de quoi? Du duel et du pluriel. Lorsque je te dis singulier, toi tu penses pas qu'il y a juste, il y en a un pluriel. Non, il y a le duel aussi. Et il y a le pluriel qui sera à venir. À la kulahal, là, nous, on est dans quoi? Dans singulier. Je, tu, tu pour la femme, il et elle. Et pourquoi il y en a cinq? Parce qu'il y en a cinq. Je, parce qu'il y a tu, il y en a deux. Non. Parce qu'en français, il n'y a que tu. Pour tu utilises pour la femme et l'homme. Ah ouais, tu t'as. Tu vas, elle va dire, tu vas où? Tu parles à un homme et une femme, tu dis, tu vas où? Yaslah, ma fil arabia, la bout. Aina dhahabti. Aina dhahabta. C'est bon? Donc, lorsque tu veux, barakallahu fikoum, majala pour ces trois-là. C'est-à-dire, pour ana. C'est bon? Anta. Et anti. Juste comprenez avant. C'est bon? Pour ana ou ana, anta ou anti. C'est bon? Lorsque tu veux utiliser un verbe, mardi. Avec ces trois pronoms personnels-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que le verbe à la base, ça sera quoi? On va prendre fa'ala, parce que c'est comme c'est le wazn, c'est le moule. Ensuite, tu rapproches, il y en a tous ceux qui se rassemblent, tu les mets dans le même moule que fa'ala. Fa'ala, Tamam. Si jamais je veux le, la rajouter. Tamam. Soit Anna, soit Anta, soit Anti pour dire je ou bien tu, et tu pour féminin. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là-bas c'est comme ça. Fa'ala. Yani, la dernière lettre du fiel, je vais le mettre en soukoun. Tamam. Et ensuite je vais rajouter le damir qui est approprié à chacun de ces trois-là. Parce que Anna, tamam, c'est un damir munfasil. Et le damir muttasil de Anna, c'est tout. Lorsqu'il rentre dans un verbe. Et c'est ya lorsqu'il rentre dans un nom. Tamam. Mathalan, tu veux dire, tu exprimais pour toi. Ton stylo. Tu ne vas pas dire qalamtu. Tamam. Tu vas dire quoi? Qalami. Pour toi, tamam. Un verbe, tamam. Tu vas pas, les damers muttasil qu'on a pu voir là, tamam, tu vas pas lui rentrer ces damers là pour yani exprimer que c'est toi le fa'il. C'est toi qui fais l'action. Lorsque tu dis zahabtu, c'est qui a fait l'action? C'est moi. Zahabta, c'est qui a fait l'action? C'est la personne à qui tu portes le discours, tamam. On va le voir, chacun il aura ses damers qui lui sont propres. Quand c'est la possession, avec un nom, il y a des damers qui sont propres. Lorsque c'est un fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action, il y aura des damers qu'on va utiliser qui sera propre. Lorsqu'il sera mef'ul, c'est-à-dire celui qui a subi l'action, on verra qu'à tel cas, il y a des damers qui sont propres, qu'ils soient attachés ou détachés. Qu'ils soient attachés, qu'ils soient détachés. Donc là, les pronoms qu'on va voir, là, ceci, c'est les pronoms qui sont attachés qui doivent être utilisés en tant que quoi? Fa'il. Parce que quand tu rentres dans le verbe, tout verbe, il a quoi? Un fa'il. Comme tout muqtada, il a un khabar. Donc là, comment tu peux revenir à cela? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire la dernière lettre du verbe, tu le mèches une seconde, et ensuite tu rajoutes le damir qui est approprié par rapport à la locution ou bien par rapport au khitab. Si c'est pour te dire, pour dire, exprimer que toi tu as fait une action dans le passé, tu diras fa'al tu. Tu veux exprimer une action dans le passé qu'une personne a fait, que tu es en train de parler du discours, tu dis fa'al ta, sukun, lam, fa'al ta. Si c'est une femme, fa'al ti. Ça c'est simple. Inch'Allah, ça va? Ça c'est pour ces trois-là. On va voir, normalement il y a un quatrième qui est pour le duel. Zahabtuma, il y a cinq. Zahabtuma, wa zahab, six. Zahabtum, wa zahabtun. Vous allez voir ça plus tard. Zahabtuma, c'est le duel. Aina zahabtuma, où êtes-vous parti en parlant à deux personnes? Pluriel, aina zahabtum. Hein? Et si c'est des femmes, zahabtun. Le pluriel des femmes. Tiens. Lorsque c'est singulier, plutôt il y en a le, pour le, comment il s'appelle, al-ra'ib, telle personne qui n'est pas là, en qui tu parles, il y en a pour lui. Tiens, le verbe, tu vas le laisser tel qu'il est. C'est-à-dire là, tu ne vas pas le mettre comme on a fait avec le, pour le, ces trois-là, c'est-à-dire tu le laisses comme il est. Zahaba. Tu ne vas pas le mettre une soukoun avant que tu rentres, comment ça s'appelle, le damir. Tu le laisses comme il est, t'as bon? Amma dhahaba, pour dire il est, tu le laisses comme il est. Tu veux dire la personne, il est parti, ça c'est le verbe à l'infinitif, comme ils disent. Le verbe partir, t'as bon? Lorsque tu veux dire, yani, tu exprimes une action dans le passé, tu laisses comme il est. À la même forme infinitif. Il n'y a pas plus simple. Dhahaba. Tu veux dire, maintenant, hein? Dhahaba. Non, tu dis, huwa dhahaba, c'est plus un fi'al. C'est muqtada khabar. Là, on va voir que Zahaba Huwa, tu n'as pas besoin de le ramener. Parce que le fait que tu dis juste Zahaba, le Huwa, il est sous-entendu, il est compris dedans. Tu vois, c'est comme si jamais tu avais dit Zahaba Huwa. Il n'y a pas besoin. Quand tu dis Zahaba, c'est compris directement, c'est Zahaba Huwa. Tu vois? Et une chose que, comme on a dit, les Arabes, lorsqu'il y a un indice dans une chose, ils ne l'évoquent pas. Il est sous-entendu. Tu n'as pas besoin de l'écrire. Ils aiment bien l'artisar. Ils aiment bien résumer les choses. Tu vois? Et là, si jamais tu veux dire pour une femme, elle est partie, tu exprimes une action dans le passé pour une femme, tu feras la même chose, tu laisses le verbe comme il est à l'infinitif et tu lui rajoutes quoi? Ta et ta ni as-sakina. Tu vas dire dhahabat. Tu laisses comme il est, tu rajoutes ta et ta ni as-sakina. T'as bon? Il n'y a pas plus simple. Avec ces trois-là, c'est-à-dire pour la locution et le discours, les mutakallim ou le khitab, il faut que tu mettes une soukoun avant que tu rentres, le demiurge approprié pour le al-mutakallim ou pour le discours, al-khitab. Fa'altu. Fa'alta. Fa'alti. Pour yani, le ra'ib, celui qui n'est pas présent et qui est du genre masculin, tu le laisses comme il est à l'infinitif. Zahaba. Pour la femme, tamam, qui est ra'iba, qui n'est pas présente ou bien pour qui on parle en sa personne, tu laisses le verbe à l'infinitif et tu lui rajoutes ta ta'nis as-sakina. Zahabat. Et ça, c'est pour tous les verbes qui sont dans le même moule que quoi? Fa'ala. Tu prends ayya verbe. Kharaja. Kharajtu, kharajta, kharajti, kharaja, kharajat. Daraba, darabtu, darabta, darabti, daraba, darabat. On avait dit quoi? Kharaja, on a dit. Allez, tous les verbes, kathir. Kassara. Kassartu, kassarta, kassarti, kassara, kassarat. D'aïman, ce sera la même chose. Pour tout verbe qui aura quoi? Le qui rentre dans le même moule que fa'ala. Zahaba, kharaja, daraba, kassara. Tamam? Jalasa. Ça c'est simple, Inch'Allah. Vous avez compris? On rajoute un truc. Tamam? C'est que là, maintenant, l'an, comme on a dit, si jamais tu dis mubtada, forcément khabar. Si tu dis fi'l, la biya, la budda min fa'il. Ala kulli hal, là le. C'est quoi le pronom personnel? Tamam? Dans zahabtu, ça c'est le pronom personnel. Tamam? Dans Zahabta, ça c'est le pronom personnel. Dans Zahabti, ça c'est le pronom personnel. Dans Zahaba, il est sous-entendu. Je vais mettre un point d'interrogation. Dans Zahabat, il est où? Il est où le pronom? Ça c'est une halam. Ça c'est pas un pronom, c'est juste une halam. Pareil, pour celui-là, il est sous-entendu. Il est sous-entendu. Ça c'est une halam, c'est pas un. Il est sous-entendu. Pareil. Lorsque tu dis Zahabtu, il est là. Il n'est pas sous-entendu, il est présent. Zahabta, il est présent. Zahabti, il est présent. Zahaba, il est sous-entendu. Zahabat, il est sous-entendu. C'est quoi, il y a la faïda ça? C'est lorsque maintenant je vais dire Fali Arab de Zahabtu. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Zahabtu, tam, Zahaba, fi'alun madin. Verbe, passé. Wal fa'il, tu vas dire c'est quoi? Atta. Je vous l'ai fait vraiment d'une manière qui est simplifiée. Je vais dans Zahabta la même chose. Zahaba fi'alun madin. Tamam. Walta. Wesh. Fa'il. Zahabti la même chose. Zahaba. Je vais dire fi'alun madi wal fa'il. Tu vas dire taqdiruhu huwa. Il est sous-entendu. Et c'est quoi? C'est huwa. Dans Zahabat, tu vas dire Zahaba fi'alun madi wa fa'iluhu muqaddar, yani il est sous-entendu. Taqdiruhu hiya. C'est-à-dire que lorsque tu fais la grammaticale de ici, tu dis pas مثلا Zahabat, tu dis le fi'al madi c'est Zahaba wa le fa'il c'est le ta. Non, c'est une khata. Le fa'il c'est pas le ta là. Ça c'est juste un signe pour montrer que celui qui a fait l'action c'est une personne qui est c'est féminin, c'est une personne qui est féminine. Vous avez compris ça? C'est simple. Le 3 du dessus, c'est directement. Le fa'il, c'est celui-là, la damière. Tu, ta, ti. Mais cela, il est sous-entendu. Hu, wa, hiya. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que certains, quand ils font les arabes, disent Zahaba, fi'alun madi, wa ta, fa'il. Là. Le ta, il n'est pas fa'il. Le ta, c'est une halama, c'est une halama que le verbe, il est décliné au féminin. Ah ouais, il y avait dernière chose. Bon là, on l'avait un peu vu celui-là. Les mots plutôt comme Hamza, les noms propres, qui sont sous la forme, t'as même des noms féminins. Il prend pas le tanwin. Pourquoi? Parce que c'est un mu'annath lafzi. Donc tout nom propre qui est mu'annath lafzi, c'est-à-dire oralement, il se prononce comme le nom propre d'une femme, il prend pas de tanwin. Comme c'est le cas avec quoi? Usama. Tu dis pas Usamatun. Tu dis Usamatu, Hamza, Hamzatu, Talha, Talhatu, t'as vu? Donc écrivez cette chose-là. De toute façon, vous le connaissez, t'as vu? J'efface ça, hein, c'est bon? On avait déjà vu ça? Ouais, ça on l'avait écrit donc. Ouais, en fait, on a écrit juste Mahana, oui? Ouais, non, mais on avait écrit ça, ça. Mais là, on va le répéter, t'as vu? Donc je lui dis le nom propre. qui est féminin d'apparence, il ne prend pas de tanwin. Al-alam al-mu'annath al-lafzi la yunawwan. Donc le nom propre qui est sous oralement yani, qui est prononcé comme yani, celle de, le nom propre d'une femme, il ne prend pas de tanwin. Comme c'est le cas de quoi? Hamza. Il dit Hamzatu. C'est le cas كذلك de Talha. تمام طلحة عبيدة تجي عبيدة وكثير أسامة تجي أسامة أسامة خبيه. Tout cela ils prennent pas de tanwin. Pourquoi? Parce que c'est des noms propres et qui sont féminins oralement. Et ils prennent parce qu'il y a une tabar bouta là-bas. On va faire vite fait des exercices. T'as un exercice numéro 2. Vas-y. Il dit, afin, on va lire déjà l'énoncé. قال ضعف الفراغ فيما يلي ضمير ها أو ها. Il dit donc place dans les espaces qui sont vacants là. T'as mis le pronom qui convient. Soit ها ou soit ها. Vas-y, تفضل. هذه. هذه. هذه البنت. Ewa. C'est quoi le sens de la phrase là? Si jamais il y a une annexion, est-ce qu'il peut prendre L? Le mudaf il peut prendre le L? Non, non, donc il n'y a pas d'annexion. Donc, هذه البنت. Ouais, c'est un mutadakhbar. هذه البنت طالبة. تمام؟ Après? هذه البنت طالبة اسمها زيناب. Hein? زيناب. Zainabu ou Zainabu? Zainabu. Ah, pourquoi t'as pas dit Zainabu? Hein? Parce que c'est. Nom propre féminin. T'as un marnaoui. Ah, là c'est marnaoui celui-là. Il n'est pas l'ordre. Ma Aïcha tout c'est marnaoui l'ordre. T'as même. Vas-y, le deuxième, Mohamed. Mohamedoun. Ah ouais? Non. طبي بو لماذا اللي المضاف اللي المضاف إليه مضاف سي محمد تمام والمضاف إليه مبتدا وخبر محمد طبيب محمد تلميذ أخي يدي وابنه شتي في العيون وابنه les deux c'est Moutada Moutada Kham Moutada Kham. Vas-y. هذا الرجل هذا الرجل تاجر كبير. لماذا تاجر كبير؟ Pourquoi c'est pas نعت. Donc le نعت منعوت. Pourquoi t'as dit تاجر؟ Il prend pas de tanwin نعت. Pourquoi t'as pas dit يتبع كل شيء في لكن t'as dit quoi هذا الرجل تاجر. Il suit quoi la تاجر؟ Il suit un rajoulou. Donc, tajiru, c'est un art. Il est le khabar? Tajiru. Un rajoulou. Le khabar, c'est un rajoulou. Ah, le. Qu'est-ce que tu veux dire? Le khabar? Ouais. Le khabar, il est composé de deux art. C'est quoi le khabar là? Là, le khabar, c'est un rajoulou, tajiru. Tajiru. Donc, si jamais c'est khabar? Tajirun. Tajiru. Marfa. Tajirun. وإلى نكرة كبير سل النحد كالتاجر تام سان بتي كوميرسان سان غران كوميرسان نو سان بتي كوميرسان on a pas dit que c'est tajir on a pas dit que la personne il est grand on a dit que c'est un petit c'est un grand commerçant on a pas dit que c'est une grande personne تام اسمه عبد الله اسمه عبد الله نعم vas-y نعم ما تبدي آمنة ما تبدي آمنة و معنى نعم آمنة في الغرفة وأمها نعم في المطبخ في المطبخ في في المطبخ هذه عائشة عائشة طبعا يا مؤنث معنوي ولفظي طبيبة نعم خبر وأختها نعم ممرضة سيدي ممرضة ممرضة نعم نعم هي أفرمية هكي جري ممرض تمام أفرمية ممرضة مريض غادي مريضة أيوة بعدين خرج خرج فعل ماضي أيوة خرج محمد من الفصل نعم أتى ها زميله تم زميله son camarade إلو الفاعل دون خرج محمد خرج محمد إلو الفاعل إلو الفاعل إلو الفعل إلو الفاعل إلو البتول إلو الفاعل دون خرج محمد إلو الفعل والفاعل استوى الفعل خرج أيوة والفاعل C'est Mohamed. Là, je voulais voir s'il allait dire c'est Houa. Donc en fait, quand tu dis Houa, c'est quand on ne sait pas c'est qui, tu vois. Mais si jamais il est évoqué, c'est lui. C'est lui. Mais Aslan, lorsque c'est Houa, il n'est pas évoqué, tu n'as pas besoin. Si jamais tu l'évoques, c'est pour appuyer. Kharaja Houa. C'est vraiment pour appuyer. Sinon, si jamais tu ne l'évoques pas, c'est pour Yakshi. L'exercice numéro 3, c'est quoi? Ça vous fera chez vous, Inch'Allah. خمسة يعني هي دي هات خمسة هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال التالي الآتي عندك دي دون 5 questions et réponses comme c'est sous la même forme تمام عندك قلم نعم عندي قلم تمام donc tu fais la même chose tu ramènes 5 phrases du même genre l'exercice numéro 4 هاتي la même chose c'est la même chose l'exercice numéro 4 C'est la même chose sauf que tu dis là. Il est en dessous. C'est la même chose sauf que tu, au lieu de dire oui, tu dis là. Tu dis non. Ah, faites chez vous. Vas-y, l'exercice numéro 5, on va le faire vraiment la vite fait. Vas-y. Il nous dit Adif al-asma al-atiyata ila al-mutakallimi wal-mukhatibi wal-ghaibi wal-ghaibati kama huwa muwaddihun fil mithal. Il nous dit donc annexe, yani aux mots qui vont suivre là. Soit, yani le damer qui est le mutakallim. Le damir qui est pour le khatab, ou le damir qui est pour le ghaib, et le damir qui est pour quoi? Le ghaib. Donc là, on dit, qalamun hadha, qalami hadha, qalamuka, hadha qalamuhu, wa hadha qalamuha. Vas-y, tu fais ça. Kitab. Kitab. Hadha. Kitabi. Hadha. Kitabuka. Kitabuka. Kitabuhu. Kitabuka. Hadha. Kitabuka. Kitabuka. Wa hadha. Hadha. Kitabuhu. Kitabuhu. Mohamed, n'oublie pas. Kitabuhu. نعم هذا كتابها نعم فادي هذا سريري نعم هذا سريرك نعم هذا سريره نعم وهذا سريرها ايوا فادي اسم هذا اسمها تجرا هذا كويس اسمها هذا اسمها اش كومونس بار لانفيرس صح تو كومونس بار داني ايوا هذا اسمي هذا اسمي اسمك هذا اسمي هذا اسمي هذا اسمك نعم هذا اسمه هذا اسمها نعم تفضل منديل دونك هذا منديلي هذا منديلك نعم هذا منديله نعم هذا منديله اجي تفضل ابن نعم هذا ابني هذا ابني هذا ابني هذا ابنك نعم هذا ابنه نعم هذا ابنها تفضل هذا سيارتي ايوه هذا عيد هذا سيارتي عيد هذا سياراتي عيد هذا سياراتي عيد هذا سيارتي عيد سيارة هذي كو مشكلة في مينة دونك هذه سيارتي نعم هذه سيارتي هذه سيارتك نعم كذلك on peut mettre aussi bon pas avec سياره parce que les femmes ne conduisent pas سيارتك تمام كذلك ils ont pas mis ça mais ils ont oublié de le mettre c'est non non on convient pas la femme donc مفتاح هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها يدون هذا يدي يدي يدي كما تقول كنت تقول سيدي هذا Ah oui, c'est, on avait dit au Kenya quand c'est dit. Ah, déjà c'est yadi. On avait dit le corps humain. Le corps, non, déjà on met une shidda, yaddi. Yaddi. Le dernier là. Quand on me dit d'établir, tu la mets dans ta poche gauche ou tu la mets au congé, c'est ce qu'il disait. C'est à quoi là, ils avaient dit ça sur la sunna. Quelqu'un est venu, il a dit, mais la sunna c'est que tu n'as pas l'habitude d'aïd, il dit, je sais. Mais dit, la sunna laisse-la au frigo. Enfin, c'est du couvre, mon frère. Donc, هذه. Juste, c'est une main. هذه يدي. لكن الآن يدون. T'as rajouté le يد pour dire ma main. T'as dit هذه يدي. Pourquoi t'as pas dit هذه يدوي? Ah, parce que يدو. يدو. Parce que c'est يدون, صح? يدون. C'est masculin. Non, non, là, là, vous avez tous dit. C'est masculin. T'as vu? El qalam. Qalam, t'as dit quoi? Hada qalamuka. Ça? Hada. Ah, moi, je ne vous ai pas posé la question. J'ai oublié de la poser la question. Avec le hel. Yadi, pourquoi? Pourquoi c'est yadi? On ne dit pas hada yadou. C'est mabni, non? Non, non, c'est pas mabni. C'est l'autre, là. Comment est-ce que je fais? Parce que fait sarf, ça passe pas. C'est-à-dire? Takdiri. Mais c'est quoi la cause? Pourquoi c'est devenu une kisra? Yeah. L'IA. Pourquoi l'IA? Qu'est-ce qu'il fait l'IA? Il prolonge. Parce que l'IA, là, Huna, le IA, Mutakallim, quand tu dis Qalami, Kadakada, c'est l'IA avec une soukoun. C'est pour prolonger. La lettre qui vient prolonger, il y en a trois. Soit c'est le Waw, soit c'est l'Alif, soit c'est l'IA. Si jamais tu trouves un IA qui vient prolonger une voyelle avant, ça peut être que la Kassara. C'est-à-dire, même si jamais le mot est marfou, yadoun, tu diras hadihi yadi. Pourquoi? Parce que l'IA, yani, elle est faite pour prolonger, elle fait sauter la dhamma. Mais là, comme c'est écrit, ah bien. Là, c'est écrit yadoun. Là, c'est écrit, lorsque tu veux dire c'est ma main, hadihi yadi. Tu ne vas pas dire yadoui. Yadi. Ah, ba'den, ou hadihi ba'den. Duka, yadou. Yak. T'as vu? هذه يدي أبقس يديك هذه لا هذه يدك ça reste bien normal pourquoi parce qu'il n'y a pas de ya pour prolonger donc ça reste normal هذه يدك هذه يده وهذه vas-y inshallah pour finir les kalimat jadida il dit الزميل camarade T'as même Azouj, c'est l'époux. Et tu peux utiliser aussi par la femme. T'as Azouji. C'est pas Zoujati. Tu peux dire Zouj aussi pour la femme. Wahidun, c'est un. Wahidun, t'as même. Fata, c'est l'adolescent. Un adolescent plutôt. Fata. C'est quoi après Maha. Lui, Maha, ce qui vient après, c'est Mudafiri. At-tifl. C'est le garçon. Il a marqué qu'on notera que lorsque le ism maqsour est indéterminé, son alif s'écrit mais ne se prononce pas. On écrit fata, mais on prononce fata. Fata. Maqsour, c'est celui qui est avec le alif maqsour. Ah, le alif maqsour. Quand il est indéterminé, ça veut dire quoi? Quand il est indéfini. Nakir. Indéfini. Mais le alif, il peut être en lui-même indéterminé? Non, le mot. Il est ism maqsour, c'est fata. C'est quoi l'ism maqsour? C'est quoi l'ism maqsour? C'est fata. Quand il n'y a pas donc le alif lam devant, alors, dans fata, on ne prononce pas fata, mais on prononce fatan. Fatan. Après, il y a quoi? El Koweït, bon. Tef, c'est le. c'est garçon, le petit. C'est au-dessus du nourrisson. Comment il a traduit ça, Tef? Parce que Al-Radir, c'est le nourrisson. Al-Tifl, c'est le petit garçon. Le petit. On le traduit par petits enfants, mais Al-Radir, on l'emploie pour désigner l'enfant de la naissance à la puberté. Al-Tifl, oui. De la naissance à la puberté. Oui, tu peux utiliser ça. Parce qu'en dessous, c'est Bounay. Et on a dit que le dernier mot, c'est quoi? Al-Kuwait. Al-Kuwait. Al-Lura, c'est le français, donc. Ah, Al-Lura. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.